Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville. Traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Réalisation Jean-Mathieu Zande. 13e épisode. Le Pequod a récemment croisé un navire baleinier de Nantucket, la Rachel, qui a vu Moby Dick la veille de sa rencontre avec le bâtiment d'Aqab. Il a lancé 4 pirogues à la poursuite du cachalot blanc, en vain, mais à la fin de la journée de chasse, l'une des baleinières n'a pu être recueillie. À son bord se trouvait le fils du capitaine, un garçon de 12 ans. Le père, fou de douleur, supplie Aqab de l'aider à rechercher son fils, peut-être encore vivant. Aqab, qui sait que son ennemi est maintenant tout proche et ne veut pas perdre de temps, oppose un refus brutal à la requête du père de l'enfant. Il se fait hisser au sommet du Kakatoa dans une chaise de chanvre. De ses hauteurs dans la mâture, il sera le premier, pense-t-il, à apercevoir le cachalot blanc. As-tu vu le cachalot blanc ? Cachalot blanc ! Les jours passaient. Le Pequod poursuivait sa route avec une énergie inquiète. Le cercueil boué oscillait toujours mollement à l'arrière. Nous rencontrâmes un autre navire, malencontreusement nommé le Délice. On pouvait voir sur son gaillard d'arrière quelques fragments de bordage de ce qui avait été une baleinière et un hamac renflé dont des matelots cousaient en silence les deux bords. Le capitaine, un homme aux joues creuses, se tenait à la lisse. « As-tu vu le cachalot blanc ?»« Regarde, tu vois cette épave ?» Tu l'as tué ? Le harpon capable de faire cela n'est pas encore forgé. Pas encore forgé ? Regarde ce fer, marin de Nantucket. Dans cette main, je tiens sa mort. Ces barbelures ont reçu la trempe du sang, la trempe de la foudre, et je jure de leur donner la troisième à l'endroit précis où palpite la vie brûlante de ce cachalot maudit. Si c'est ainsi, Dieu te garde, vieil homme. Tu vois ce hamac ? J'ai enseveli un homme. 5 de mes gaillards sont morts hier. À celui-ci seulement, je puis donner des funérailles. Les autres ont été immergés avant de mourir. Vous voguez sur leur tombe. Êtes-vous prêt, matelot ? Posez la planche sur la lisse et soulevez le corps. Oui, c'est cela. Ô Seigneur, mon âme a soif de Dieu, du Dieu fort et vivant. Au camp entrerai-je et me présenterai-je devant la face de mon Dieu ? Mon âme, pourquoi t'abattu et frémis-tu au-dedans de moi ? Attends-toi, Dieu, car je le célébrerai encore. Son regard est la délivrance même. Un abîme appelle l'autre abîme au bruit de tes canons. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. En avant toutes ! La barre au vent ! Mais le bond que fit soudain le Pequod ne fut pas assez rapide pour empêcher qu'on entendît le choc de la dépouille quand elle frappa la surface de l'eau. Pas assez rapide pour éviter qu'un peu des embruns volants en éclaboussant sa coque ne lui offrissent un baptême funèbre. Comme le navire d'Aqab s'éloignait, son étrange poupe se découvrit au regard de l'équipage accablé du Délice. Ah, qu'est-ce que cela ? Vous tous, regardez là-bas ! Une bouée de sauvetage à la poupe du Pequod ? C'est en vain que tu fuis nos tristes funérailles, étranger. Tu t'écartes précipitamment de nous. Mais c'est pour nous montrer, à la lisse de couronnement, ton cercueil. C'était un jour clair et bleu. Haut dans le ciel volaient de petits oiseaux immaculés, les aimables idées de l'éther féminin. Dans les profondeurs de l'abîme allait et venait impétueusement le puissant Léviathan, l'Espadon, le requin, pensée forte et meurtrière du mâle océan. Forme torse, nouée, noueuse, la face ravinée, l'expression hagarde mais ferme, les yeux pareils à des braises qui continuent de luire dans les cendres. Akab parut dans la clarté du jour, levant le haume déchiqueté de son front vers le beau visage féminin du ciel. Il traversa le pont et alla se pencher sur la rambarde. Là, il observa son ombre qui s'enfonçait dans les profondeurs. Les plaisants parfums de cet air enchanté avaient peut-être eu enfin raison pour un temps du chancre qui lui rongeait l'âme. Il laissa tomber une larme dans l'océan, et jamais le Pacifique ne recueillit rien de plus précieux que cette unique gouttelette. Starbuck vit le vieil homme, et il lui sembla entendre au fond de son propre cœur le sanglot infini échappé du sein de cette sérénité qui régnait alentour. Il s'approcha en silence. Starbuck ? Monsieur ? Oh, Starbuck. Quelle douceur dans cette brise et dans le ciel. C'est par un jour pareil à celui-ci que j'ai piqué ma première baleine. J'étais un jeune harponneur de 18 ans. Et puis, 40 années de pêche. 40. Les privations, les périls, les tempêtes. 40 années loin de la terre paisible à guerroyer contre les horreurs de l'abîme. Ah, quand je songe à cette vie que j'ai menée. 40 années à me nourrir d'aliments secs et salés, symbole approprié de la nourriture aride de mon âme. Ah, la fatigue. La servitude du commandement solitaire. Séparé par des océans de la jeune femme enfant dont j'ai fait passer 50 ans une épouse. Et dès le lendemain, je m'étais à la voile pour le Cap Horn, ne laissant que l'empreinte de ma tête sur l'oreiller de mes noces. Ce vieux chasseur est-il encore un homme ? Plutôt un démon ? Ah, l'insensé ! Pourquoi ce corps à corps furieux de la chasse ? Akab en est-il aujourd'hui plus riche ou meilleur ? Regarde, Starbuck, ses cheveux gris. Suis-je donc si terriblement vieux ? Je me sens faible à mourir aujourd'hui. Voûté comme si j'étais Adam titubant sous le poids des siècles entassés depuis le temps du paradis. Viens près de moi, Starbuck, tout près. Laisse-moi plonger mon regard dans un regard d'homme. Cela vaut mieux que de contempler la mer ou de lever les yeux vers Dieu. Par la terre verte. Je vois ma femme et mon enfant dans ta pupille. Non, non, reste à bord. Starbuck, tu resteras à bord quand ton capitaine donnera la chasse à Moby Dick. Tu ne courras pas ce risque, non. Pas avec cette maison sur la colline au loin que je vois dans tes yeux. Oh, capitaine. Mon capitaine. Âme noble. Pourquoi faudrait-il que quiconque prenne en chasse ce poisson exécré ? Fuyons ces eaux meurtrières. Rentrons au pays. Starbuck a lui aussi hâte de retrouver femme et enfant. Reprenons vite le chemin de notre bon vieux Nantucket. Oh, mon capitaine, allez tracer sur vos cartes la route du retour et partons d'ici. Quelle est donc cette chose d'un autre monde ? Ce seigneur et maître, caché, impitoyable, qui m'oblige à faire ce qu'en mon fort intérieur je n'oserais même pas imaginer. Akab est-il bien lui-même ? Est-ce bien moi qui lève ce bras ? Sinon, qui d'autre ? Partout, une puissance invisible est là, dont l'action fait se mouvoir le soleil et battre ce cœur chétif. comment ce chétif cerveau pourrait-il produire des pensées si Dieu n'était pas ce qui fait la pensée ? Dieu. Starbuck ? Starbuck ? Le second, que le désespoir a rendu pâle comme la mort, s'est enfui. Les vigies à leur poste. Tout le monde sur le pont. Que voyez-vous ? Pendant la nuit, Akab, après avoir humé l'air du large, déclara qu'une baleine devait se trouver tout près. Bientôt, l'odeur très particulière qu'exhale le cachalot vivant devint sensible à tous les hommes de quart. Le capitaine, alors, donna l'ordre de changer légèrement le cap. Et, en effet, au lever du jour, on put observer une longue traînée onctueuse comme de l'huile sous notre proue. Akab ordonna qu'on le hisse au grand cacatois. Aux deux tiers de son ascension, son regard perçant se posa très loin sur un point du vide horizontal de l'océan, et il poussa un cri aigu. « Souffle ! Là ! Là ! Souffle ! Une fosse comme une colline blanche ! C'est Moby Dick !» Enflammés par ce cri, les matelots se ruèrent dans le gréement pour contempler le fameux cachalot blanc qu'ils poursuivaient depuis si longtemps. Il apparut à 1 mille environ droit devant. Et chaque houle révélait sa haute bosse étincelante. Aucun d'entre vous ne l'a vu avant moi. Le doublon est à moi. Le destin me l'a réservé. À moi seul. Là. Sous. Là. Encore. Et encore. Il va sonder. Apparaît 3 chaloupes. Monsieur Starbuck, rappelez-vous, vous restez à bord et gardez le navire. Parez les baleinières. Allez, on va à la mer. Descendez-moi, Starbuck. Plus vite, plus vite. Toutes les embarcations, hormis celle de Starbuck, furent bientôt mises à la mer. Et les baleinières s'élancèrent sous le vent, celle d'Akab menant l'assaut. Une pâle lueur de mort éclairait les yeux caves de Fedallah. Un rictus hideux tordait sa bouche. La distance diminuait, l'océan se fit plus lisse. On aurait dit un pré sous le soleil de midi. Enfin, le chasseur hors d'haleine parvint tout près de sa proie, apparemment sans méfiance. Je vois sa bosse blanche en forme de pyramide. Son front laiteux aux 1000 rides, son corps couvert de taches couleur de linceul. Il laisse dans son sillage une voie lactée, constellé de paillettes d'or. Sur ses flancs éclatants, des bulles brillantes s'élèvent en dansant. Elles éclatent sous les pattes de centaines d'oiseaux joyeux qui volettent, légers comme des flocons. Un nuage d'ailes qui forme comme un dé au-dessus de l'animal. Et sur son dos blanc se dresse la hampe brisée d'une lance qu'il a reçue récemment. Il a disparu. Les légions d'oiseaux blancs qui l'accompagnaient tournoient avec nostalgie au-dessus du lac agité qu'il a laissé derrière lui. Et tout à coup, ils battent des ailes et poussent des cris d'impatience. Leur vue est plus perçante que celle du marin. Quelque chose maintenant. Une tache blanche comme une hermine remonte des profondeurs à une vitesse prodigieuse, augmente de volume. Ah, c'est la gueule béante et la mâchoire tordue de Moby Dick. De longues rangées crochues de dents, venues d'on ne sait quel abîme. La gueule bâille sous la pirogue d'Akab, comme un tombeau de marbre grand ouvert. Avec une lenteur méticuleuse, l'animal saisit l'étrave de la baleinière. Une blancheur de nacre légèrement bleutée tapisse l'intérieur de sa mâchoire. Il s'amuse à secouer le cèdre frêle de l'embarcation comme un chat sa souris avec une délicate cruauté. Akab, rendu furieux par la proximité de cet ennemi qu'il ne peut harponner car son corps est immergé sous le canot. Akab, au comble de la frénésie, saisit à main nue cet os formidable et tente de toute sa force sauvage de lui faire lâcher prise. Mais la mâchoire lui échappe. Et cette paire d'énormes cisailles brise la baleinière en deux, puis se referme hermétiquement dans l'eau entre les deux épaves flottantes. Le cachalot maintenant s'écarte de sa proie et commence à décrire des cercles menaçants autour de l'équipage naufragé, comme s'il se préparait à un nouvel assaut encore plus meurtrier. Akab est à demi asphyxié par l'écume de ce maelstrom. Mais il parvient à lancer deux ou trois mots à Starbuck quand le navire, qui a vu toute la scène depuis le début, est assez proche. Éloignez-le ! Et tandis que l'animal s'éloignait d'un air maussade, les baleinières vinrent à la rescousse. Akab, tiré dans la pirogue de Stubb, demeura un moment anéanti au fond de l'embarcation, comme s'il eût été piétiné par des troupeaux d'éléphants. D'indicibles lamentations montaient des profondeurs de son être. Sa prostration fut intense, mais brève. Leur pont, Stubb, nous a-t-on sauvé ? Eh oui, monsieur. Il n'a pas été lancé. Le voici. Des hommes manquent-ils ? Il y avait 5 avirons, capitaine, et il y a 5 hommes. C'est bien. Aide-moi à me mettre debout, mon gars. Ah, voilà. La sève éternelle court à nouveau dans les eaux d'Akab. Établissez la voile. Lève rame. La chasse reprit, mais comme le cachalot filait avec une vitesse accrue, ce fut le navire qui s'élança vent sous vergue dans le sillage de Moby Dick, dont le souffle étincelant était régulièrement signalé par les vigies. Peu après, la nuit tomba. Oh, là-haut ! Criez à chaque souffle que vous apercevrez ! Impossible de voir le souffle à présent, monsieur ! Il fait trop noir ! Quelle direction la dernière fois ? Toujours la même, monsieur ! Droit sous le vent ! Bon ! Il ira moins vite maintenant. Amenez les cacatois et les bonnettes, monsieur Starbuck. Il ne faudrait pas qu'on le dépasse avant demain matin. Bien, monsieur. Oh, timonier ! La barre droit sous le vent. Vous, là-haut, descendez ! Monsieur Stubb ! Oui, monsieur. Veillez à ce que la pomme de misaine reste armée jusqu'au matin. Bien, monsieur. Disparaissez à présent. Starbuck, le pont est à vous. Ainsi s'acheva le premier jour de chasse. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Treizième épisode. Avec Christophe Giordano, Ismaël, Jean-Pierre Calfon, le capitaine Akab, Olivier Clavery, Starbuck, Didier Brice, Stubb, Pierre Cassadei, le capitaine du Délice, et Jean Ocotrel, Nicolas Racca, Jean-Luc Debatisse, Maurice Anthony, Olivier Arrigui, Grégory Kidel, Abel Aboiliten, Pierre-Jean Pagès, Donatien Guillot, Jacques Leplus, Xavier Cato, Emmanuel Lemire. Et avec Philippe Brunteau, disparu en mer. Bruitage, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Philippe Carminati, Adrien Roch, Marie Placet, Jean-Mathieu Zande. Moby Dick de Herman Melville est publié sous la direction de Philippe Jaworski, à la bibliothèque de la Pléiade.